Fanny vit dans la performance des nanas qui s'en balancent. Son cul est une maison à louer gratuitement que je suis à la rue, Fanny le sait pourtant. Fanny boit du sirop de mal. Elle est mal horizontale. Son cul est un plat chaud offert généreusement que je suis affamé, Fanny le sait pourtant. Fanny est une nymphomane. Son cul est une maison à louer gratuitement que je suis à la rue, Fanny le sait pourtant. Son cul est un plat chaud offert généreusement. Je suis affamé, Fanny le sait pourtant.